Ou Al-Khas, c'est moins cher. Rabi'an, كم دفعت قيمة التذكرة؟ دفعت 5000 تقريبا. ها؟ 5000 لا بالالف دي ريال. 5 ريالات. لا 5000 ريال. 5 و5000. خامسا، أين وضعت حقيبة ملابسك؟ في مخزن، في مخزن الطائرة. طيب. الحقائب. ما فهمت. في مخزن الطائرة. طيب. سادسا، من القطار شاهدت مناظر جميلة، ما هي؟ هي الجبال الكبيرة والأشجار الجميلة والبحر وطلوع الشمس. طيب. سابعا، كم ساعة سافرت؟ سافرت 50 ساعة. لا 50 ساعة. نعم. طيب، لأن ندخل في الدرس التاسع، ما زلنا في الوحدة الثالثة. Toujours troisième unité, la neuvième leçon. الوصول إلى الميناء. الوصول c'est l'arrivée. والميناء c'est le port. طيب. Bateau. Ah, ميناء port. Port du bateau. Ah non. Non. خنزير الجمال. طيب، وكنسو في الكلمات الجديدة مينا بور. وتوت أربعة إنا ميل ال pluriel. شاب كنا بامي على كتة. سي مواني. إلى لا. مواني. كاتريام لين. سي الجام. عاصمة. طيب، سا سي الكابيتال. عاصمة. سي الكابيتال. Soufoun, c'est le djem de Safina. Pareil, je ne sais pas pourquoi l'on n'a pas mis ensemble. Soufoun, c'est le pluriel de Safina qui veut dire bateau. Ashkel, c'est le djem de Shakl qui veut dire apparence, forme. Ahjam, c'est le pluriel de Hajam, qui veut dire format, taille. Rukab, Hajam. Qui veut dire taille, format. Rukab, c'est le djem de quoi? Rakib, non. Qui veut dire passager. Bada'i, qui veut dire marchandise. نعم. دخمة c'est dire énorme, gros, immense. نفط c'est cargaison. Cargaison. Cargaison. Mmh. C'est le pétrole. Mmh. Il m'a dit traduit par neuf. Neuf pétrole. Ah, je crois que tu as raison. C'est pétrole. En fait, il veut dire le. Ça finit à la tête armée, le nift, c'est le pétrolier. Arsente, ouais, c'est le pétrole. Mashallah. Nafi. ناقلة

أيوة صادف ولا تمام. كم يبل cette religion dans l'islam؟ Bien sûr, on va pas parler. Mais ajmala. Là. Bonne. Mais. Bonne. Pas dit belle. Bonne. Ah, est bonne, j'ai compris belle. Mais. Ahsana. Ahsante. Mais Ahsana, elle est le din. Elle est le din. Elle est le din. نعم. ما تيابا؟ أحسن إلى ربنا الدم. لا لا، c'est pas féminin. نعم. سابعا أكمل كما في النموذج. النموذج يقول ما ensuite parenthèse pour mettre ça تعجب avec le verbe qu'il faut هذا المنظر. À côté il met بديع. Donc de بديع tu mets le verbe qui revient à ça, qui est « ma abda'a adal manzar ». Subhanallah. Afham. Abdel Badir. Hein? Abdel Badir, le serviteur du Créateur. C'est ça qu'on a dit, « Badir al-samawati al-ard », celui qui crée les cieux et la terre. Subhanallah. Donc là, il vous met la phrase avec un trou, et entre parenthèses, le mot à mettre en certain ta'adjoub. Ah ouais, faut mettre le... Ça s'appelle comment ça, le... Fir le ta'adjoum. Le tout c'est Sir ta'adjoum, c'est une forme d'exclamation, mais le verbe c'est Fir le ta'adjoum. Fir le ta'adjoum. Non, c'est exclamation. Voyez. Thaminan. Imla el farara, c'est du mal atiati birtiyar kalimat el munasibah et mayaj. Donc quand vous avez des phrases avec des trous, à vous de mettre. Voyez. À vous de mettre les mots à leur place. Rukab, les passagers. Tahmilou, transporter. El Nift, le pétrole. Dokhma, énorme, gros. El Mina, le port. El Ahjam, les tailles. Momti'ah, agréable. Sabi'an ou Sabi'an, c'est Fibet. Nam. Sabi'an, c'est Fibet. Nam. Ensuite, les phrases avec les trous. أولا يقول تقف السفن في وهي مختلفة الأشكال و donc là les bateaux s'arrêtent là faut mettre le mot qu'il faut et elles sont de différentes tailles et de différents à mettre le mot. ثانيا بعض السفن تحمل وبعضها البضائع. Donc certains bateaux transportent le mot à mettre et certains autres, le mot à mettre, la marchandise, les marchandises. Falifan, hadihi, naqilatun, tankulu afwan, wa ya laha min naqilatin. Donc, hadihi naqila, ce bateau transporte, hein, on va dire ce bateau transporte. Ils ont un nom spécial, ils ont des noms spéciaux, les bateaux qui transportent. Paquebot, ouais, mais paquebot c'est aussi les hommes. Paquebot se transforme les hommes et les marchandises. Si c'est bien rien, je pense que c'est le pédiche. c'est propre pour la Seine, hein, ou sur les fleuves. En plus, c'est des bateaux où les gens y vivent. Non, les pédiches, c'est des bateaux de vie. Les gens y vivent dedans. C'est pas de transport. Il y a des trucs de transport. Des marchandises. Yannick, moi je vois des gros bateaux comme ça. C'est les péniches, c'est ça. Il y a des cargaisons dedans. Je pense que c'est tout personnel, tu vois, parce que les péniches à la base, c'est des bateaux de. Les gens ils vivent dedans. Et t'as les bateaux mouches pour les touristes. C'est tout, sinon il n'y a rien d'autre vraiment sur la fête. En tout cas, là on veut dire, ouais. Les cargos. Hmm? C'est des cargos. Ouais, c'est les cargos qui transportent les marchandises. Arsène. Les cargos ils transportent les trucs. Parce que paquebot c'est les hommes et les marchandises. Cargo c'est les. Naam, ça. C'est pour les marchandises. Cargo. Donc on va dire Naakila, un cargo. Arsanta. Enfin, quand le Hadi Naakila Tankulu, donc ce cargo transporte. Yalaha min Naakila, ou quel est un gros ou. À vous de trouver le mot qui convient. Une exclamation.